Je fonce tête baissée, même si je sais que la suite sera rude. Je suis pas convaincu de laisser, donc je fais des préludes. Je suis tombé en dépression à une période sans que personne le voit. Mais j'ai repris le bon chemin, je suis sur la bonne voie. J'ai tout mon passé derrière moi, j'ai toute ma vie à refaire. Je suis plus désespéré, mais j'ai toujours un mental de fer. Mon époque, j'ai peur, et derrière moi, maintenant le bonheur, je flaire. Je me suis fait des frayeurs, mais maintenant je regarde en l'air. Je suis prêt à affronter les problèmes, j'ai toujours les bras au ciel. De phase en phase, baisser mon histoire, mais aussi à celui ou celle qui m'a aidé à sortir du trou. Je partirai si mes rêves sont sous écrou. J'ai une forme olympique que je ne croyais jamais plus voir. Je suis débordé et en plus j'écris mes déboires. Je suis sorti de la ronde, dites-le à Grégoire. Dans ma tête ça tourne pas rond, mais c'est là que le malheur foire. Un rayon de lumière est venu éclairer ma vie. La seconde chance l'ai saisie à une heure un peu tardive. Je n'ai plus peur de rien parce que j'avoue et que je fais des confessions. Du coup je repars de rien comme un nouveau commencement et une nouvelle mission. Renaissance, renaissance, renaissance, renaissance, renaissance, renaissance, yeah. Maintenant je sais que l'espoir existe, que mon passé est derrière moi. Et si tout s'effondre, moi j'insiste, non je baisserai pas les bras. J'ai rencontré des centaines de gens psychologie, et j'ai écrit des sons versus où je remercie. Dans les moments les plus sombres, la zik m'a libéré. Et je suis sobre, mais j'ai encore toute ma fierté à déterrer. Et je revis comme si on avait réussi à m'abattre les yeux au ciel. Je prie, oubliez tout ce qui m'attrape. Je m'enfonçais à cause de mon passé. Maintenant je vis les anciennes connaissances comme si elles n'avaient jamais existé. Et je me connais, mais je crois que j'ai changé. Seul moi connais mon nouveau caractère. Une page est tournée, donc je vis ces jours comme si c'était les premiers. La vie c'est court, mais je suis paumé. J'ai pas vraiment d'amis, mais je me contente de ça. Mes rêves ne sont pas salis, mais le malheur est sale. Yeah. Un rayon de lumière est venu éclairer ma vie. La seconde chance, je l'ai saisie à une heure un peu tardive. Je n'ai plus peur de rien parce que j'avoue et que je fais des confessions. Du coup je repars de rien comme un nouveau commencement, une nouvelle mission. Renaissance, renaissance, renaissance, renaissance, renaissance, renaissance, yeah. Quand les lumières s'éteignent, ne désespère pas, gars, c'est l'heure de la renaissance. Alors qu'il est les nouveaux thèmes, me travaille, c'est l'heure de la renaissance. J'ai trop souffert, mais c'est l'heure, c'est l'heure de la renaissance. Je me dis enfin, fini les pleurs, l'heure de la renaissance.